Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et aujourd'hui, ce Super Fail est consacré à Boeing. Boeing, le célèbre constructeur d'avions. En mars 2019, après deux crashs successifs n'ayant laissé aucun survivant, celui du vol 610 de Lion Air, c'était le 29 octobre 2018, et celui du vol 302 d'Ethiopian Airlines le 10 mars 2019, après ces deux crashs, les 737 MAX 8 sont interdits de vol. Comment ces deux crashs ont-ils entraîné par une suite de causes et d'effets dont on va faire l'analyse, Boeing dans une situation extrêmement précaire en obligeant notamment son DG à démissionner, son directeur général, c'est le super fail de la semaine. Nous, Boeing, regrettons les pertes en vie humaine dans ces tragédies qui continuent de nous peser lourdement. Nous sommes conscients de la dévastation des familles et des proches des passagers et membres de l'équipage et leur adressons nos plus sincères condoléances. Observons ensemble un moment de silence en hommage aux 346 personnes qui se trouvaient à bord de ces deux appareils. Nous sommes en compagnie de Bertrand Villemer. Bonjour Bertrand Villemer. Bonjour. Vous représentez ici le cabinet Icar Aéronautique et les auditeurs de Super Fail notamment vous connaissent bien parce que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le sort du Boeing 737 MAX 8 et je dois dire qu'avant tout le monde, vous avez eu raison, vous m'avez dit à ce micro que ce crash n'était pas un crash isolé, que c'était un véritable scandale et je me souviens même de vos mots, vous m'avez dit « moi, je ne monterai pas dans un 737 MAX 8 à moins de le piloter puisque vous êtes pilote d'essai ». Cela doit être rappelé parce que vous avez eu entièrement raison et la suite a montré qu'effectivement, on aurait mieux fait de vous écouter dès cette période. Il y a eu un second crash entre les deux. Il s'est passé toute une série de choses, mais enfin, ce second crash n'a pas été évité. Et aujourd'hui, Boeing est dans une situation extrêmement compliquée. Comment analysez-vous l'enchaînement de causes, d'effets qu'il y a eu suite à ces deux crashs? À la suite du premier accident de Lion Air, il y a eu une enquête. Les boîtes noires ont été retrouvées pratiquement immédiatement. Et cette enquête a révélé ce qu'on sait maintenant. Donc, depuis octobre 2018, on va dire novembre 2018, et l'arrêt de l'appareil, on n'a pas appris grand-chose de plus. Alors, pourquoi est-ce que Boeing n'a pas arrêté la flotte tout de suite? Parce que lorsque il y a un avion qui a une panne, on n'arrête pas 8000 avions de vol. Lorsqu'il y a un avion qui a une panne, il y a une procédure et on essaye d'aller, le constructeur essaye d'aller le plus loin possible pour modifier l'appareil tout en laissant la flotte voler. Parce que un avion de ligne, c'est une petite usine. C'est une petite usine qui fait 70 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Quand vous en avez 10 000 qui volent tous les jours, on ne peut pas, sur une panne d'un avion, il y en a tous les jours des pannes sur ce type d'avion, ou sur 737 de manière générale, on ne peut pas, sur une panne, décider d'arrêter immédiatement toute la flotte. Il y a forcément un délai de réflexion, un délai d'analyse. Et le constructeur a intérêt à, s'il identifie la panne, à modifier l'appareil pendant que la flotte continue à voler. Avec des modificatifs qu'on appelle les bulletins de service, qui sont des recommandations avec des dates butées de réalisation des travaux. Et les compagnies, en fonction de leur de l'échéance de leur maintenance programmée sur certaines visites, décident de faire ces modifications qui sont demandées par le constructeur. Ça, c'est la procédure. Donc, que Boeing se soit engagé dans cette procédure à la suite de Lion Air, c'est une procédure qui est classique. Elle est classique sur des pannes qui ne sont pas cruciales. Là, l'analyse de la panne de Lion Air était vraiment cruciale. C'est-à-dire que elle venait en complément d'un certain nombre d'alertes qui avaient été données par le syndicat des pilotes américains, qui contient près de 40 000 membres, qui s'étaient interrogés sur les réactions de l'avion dans certaines configurations de vol. Donc ce syndicat s'était interrogé par écrit et Boeing avait été un peu mis en demeure de répondre. Donc il y a des faisceaux d'indices qui concouraient à ce moment-là. Alors, il a fallu, hélas, attendre le deuxième appareil. Et alors, ce deuxième appareil a eu exactement les mêmes symptômes lors de la panne que le premier. C'est-à-dire, il faut les rappeler. C'est-à-dire que l'appareil est parti en piqué à plusieurs reprises. Lors du deuxième accident, l'équipage était parfaitement averti des procédures pour sortir de ce type de panne. Hein, c'est des procédures qui sont écrites et que les équipages savent parfaitement. En plus, dans le deuxième accident, il y avait un troisième pilote de la compagnie qui était un spécialiste de la sécurité des vols. On peut penser qu'il connaissait quand même bien l'avion. Et la procédure a été parfaitement appliquée dans le deuxième accident. Et ils n'ont pas évité le crash. Pourquoi ? Parce que la procédure n'était pas adaptée. La procédure qui a été fixée par Boeing n'était pas efficace. Que l'on comprenne bien, la procédure n'était pas adaptée parce que il y avait une panne dans l'avion, parce que le système est structurellement défaillant. Quand on a une panne, l'équipage a une procédure qui est écrite pour sortir de la panne, pour neutraliser la panne. Donc, c'est un travail d'équipage et ils font une checklist de panne et ils résorbent la panne ou ils l'isolent ou ils font en sorte de garder un appareil qui, en termes de sécurité des vols, soit sain. Bon, là, ils ont appliqué strictement la procédure. On peut se poser la question pour le premier accident de Lion Air, et ils se sont posé la question, est-ce que la procédure a été appliquée ? Il semble que non, d'après les boîtes noires. Mais dans le deuxième accident, la procédure a été complètement appliquée. C'est-à-dire que la panne a été identifiée et l'équipage a mis en œuvre les mesures que Boeing préconisait dans ce cas-là. Donc, ils ont fait tout comme le constructeur le souhaitait. Et malgré ça, ils n'ont pas pu éviter l'accident. Et c'est à la suite de ça que, notamment de cela, mais pas que ça, que la décision a été prise en finale d'arrêter l'appareil de vol. Est-ce que ce second accident, il signifie, Bertrand Villemer, que cet avion, le Boeing 737 MAX 8, est structurellement dangereux ? Alors, sur cet appareil, il y a quelque chose d'inédit, c'est qu'il y a trois dysfonctionnements, pour parler simple. Le premier, c'est qu'il y a une erreur de conception. Maintenant, tout le monde le sait. On l'avait dit ici il y a 6 mois, mais à l'époque, c'était pas évident, mais il y a une erreur de conception. Le logiciel de commande de vol n'est pas sain. Et il n'a pas été écrit pour être résistant à des simples pannes, pour être tolérant à des simples pannes. Donc il y a un problème de conception. Mais les problèmes de conception peuvent exister, bien sûr, et il y a un arbitre, il y a un filtre pour ça, c'est l'agence de régulation, l'agence fédérale aérienne américaine. Et cette agence, normalement, elle certifie l'appareil, et lors des travaux de certification, elle doit voir les erreurs de conception, et elle doit dire, ok, votre appareil n'est pas recevable en termes de certification, monsieur le constructeur, modifiez-moi ceci, modifiez-moi cela, revenez me voir, et on verra si on peut vous certifier. Ça, c'est le deuxième filtre. Il y a eu une erreur de certification, c'est-à-dire que l'erreur de conception est passée à travers le filtre de la certification. Et la troisième erreur, c'est la procédure. Alors, au départ, il n'y avait pas de procédure. C'est-à-dire que Boeing a considéré que les pilotes avaient suffisamment de charges de travail, qu'il y avait une reconfiguration automatique de l'appareil et qu'il n'était donc pas nécessaire que les pilotes soient avertis de ce type de panne qui se reconfigurait automatiquement. L'appareil auto-traitait la panne, si je puis dire. C'est d'ailleurs normalement le but. Et donc, au départ, il n'y avait pas de procédure. Donc, les équipages qui ont eu ce type de panne, notamment de Southwest, aux États-Unis, ils n'avaient pas de procédure. Ça ressemblait à rien, ce qu'ils avaient. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont interrogés. Et à la suite de ça, Boeing a décidé effectivement d'écrire une procédure, c'est-à-dire de documenter en disant « on a modifié l'appareil, cette modification est susceptible de tomber en panne, voilà la procédure pour en sortir ». Ça, ils l'ont fait. Mais cette procédure n'a pas été testée dans toutes les configurations et elle n'était pas efficace, en tout cas dans le deuxième crash. Et alors, la question qu'on se pose, on se dit « bon, bah, très bien, s'il y a une erreur de logiciel, on modifie le logiciel et l'avion revole. » Parce qu'il y a une catastrophe humaine, ces deux crashs, et puis il y a une catastrophe économique derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 737 MAX 8 ne volent pas et j'ai l'impression que personne sur cette Terre n'est capable de savoir quand est-ce qu'ils vont revoler, Bertrand Villemer. Le problème de cet appareil, c'est que l'erreur de conception, elle est pas dans le design. Elle est dans la conception de base. C'est-à-dire que quand on modifie un logiciel, le simple fait de le modifier peut le faire se dégrader dans ses fonctionnements de base. Ça s'appelle, ça porte un nom en informatique, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, sur ce logiciel, il y avait deux problèmes de conception. Le premier, c'est que ce logiciel se nourrissait d'une seule sonde d'incidence. Une sonde d'incidence, l'incidence, c'est ce qui mesure l'angle que le vent relatif fait avec avec l'appareil. Donc, c'est la façon dont l'avion voit arriver l'air, pour parler simple. Bon, l'angle. Eh bien, il y avait qu'une seule sonde d'incidence qui alimentait ce logiciel. Donc, si elle tombe en panne, ce logiciel, bah, il sait pas quoi faire. Et il se met sur ce qu'on appelle une noix de recueil. Et sur cette noix de recueil, il élimine la fonctionnalité du MCAS et du MCAS. Et éliminant la fonctionnalité du MCAS, il retombe dans les travers qui existaient et qui ont été la cause de la mise en place du MCAS, c'est-à-dire que cet appareil pique. Voilà. Donc, le problème est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que les appareils doivent être tolérants à une simple panne. Même quelquefois une double. C'est la base. Il va y avoir des redondances. Des redondances dans les capteurs, des redondances dans les traitements des signaux, des redondances dans les logiciels, des redondances dans les moyens de transfert des signaux, etc., etc. On doit avoir des redondances de façon à pouvoir multiplier les probabilités de panne. Et donc là, ça n'a pas été le cas. Donc c'est plus qu'un problème, c'est un problème de conception de fond. C'est-à-dire que Boeing a mis en place un système qui est crucial, c'est-à-dire qui gère les commandes de vol appareil, et dont une partie était alimentée par un seul capteur. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour régler cette panne, si elle est réglable, Bertrand Villemer? La première chose, c'est d'alimenter ce logiciel avec deux capteurs. Ça, je pense qu'ils y ont pensé tout de suite. Ils n'ont pas besoin de nous pour le voir. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il faut qu'ils reprennent le logiciel, j'allais dire, de fond en comble. On peut pas rajouter une petite couche comme ça, parce que lorsqu'on écrit un logiciel de commande de vol, d'abord, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut prévoir tous les types de pannes et tous les types de cas de vol. Donc, c'est quand même pas simple. Certes, ça se fait beaucoup au simulateur, mais quand même. Et donc, on peut pas rajouter un patch comme ça, en disant, OK, on rajoute un patch, et puis ça va bien se passer. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ben et là, ils en font la meilleure expérience. Il y a eu énormément d'articles dans la presse américaine sur cette affaire, puisque Boeing, c'est un joyau national, et ça a été la curée au départ, parce qu'on a dit, Bertrand Villemer, finalement, cet accident, il révèle les négligences qui sont à l'œuvre chez Boeing. Il y a beaucoup de choses qui ont été tolérées, qui n'auraient pas dû l'être. Votre point de vue d'expert aéronautique? Mais que les ingénieurs puissent se tromper, c'est normal. Ce qu'il faut pas, c'est que la structure qui est en charge de filet de sécurité, si vous voulez, ne joue pas son rôle. Et c'est tout le problème de collusion, puisque maintenant on en parle, donc je peux me permettre d'utiliser ce mot, de collusion entre le constructeur et son organisme de certification. Bref, entre le juge et l'arbitre, quoi. Hein. Donc là, il se trouve que il y a un équilibre à trouver entre le constructeur et le certificateur, et que cet équilibre-là, visiblement, n'était pas sain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux de certification, que ce soit au simulateur ou au décès en vol, qui ont été faits par Boeing et qui ont été validés par l'agence de certification sans vraiment qu'ils n'y prennent part. Alors, c'est pas nouveau. Faut pas jeter la pierre à Boeing comme ça, c'est pas nouveau. Mais il doit y avoir un équilibre. C'est-à-dire que sur certains essais, le constructeur peut prendre la totalité des essais en vol et des travaux de certification en faisant le témoignage à l'organisme de certification, mais sur certains autres qui sont cruciaux pour la sécurité des vols, en principe, et c'est une façon de faire, l'organisme de certification veut être dans l'appareil, fait participer ses pilotes d'essai, fait ses propres bords de vol et fait sa propre analyse. Je l'ai dit en introduction, le directeur général de Boeing a démissionné, on l'a obligé à démissionner. La compagnie est dans une situation extrêmement compliquée, puisque le 737 MAX 8, c'est l'un des produits phares de Boeing. Pourquoi cette entreprise n'a-t-elle pas pris la mesure immédiatement, donc dès le premier accident, de la gravité de ce qui était en train de se passer, Bertrand Villemer? Je crois que Boeing n'a pas, je veux dire comme tout le monde, n'a pas estimé à sa juste mesure les conséquences de cet accident. Je rappelle que le dernier accident a eu lieu le 10 mars et la FAA a arrêté l'appareil de vol fin mars, comme ça de mémoire, et ils ont donné un mois. L'autorité de régulation américaine a donné un mois au constructeur pour modifier le logiciel de vol et modifier son design. Un mois. C'est-à-dire que et le constructeur et l'agence de certification pensaient que c'était possible en un mois. Et le nouveau président de Boeing, qui a remplacé M. Muhlenberg, qui s'appelle David Calhoun, a expliqué que pour lui, s'il arrivait à la certification, ce ne serait pas une victoire. La victoire, ce serait le rétrofit des appareils. Et il a quand même parlé de 2021. Donc, il y a une évolution terrible en termes de délai. Et donc, personne n'a pris vraiment la mesure. On ne peut pas tellement les en blâmer. Personne n'a pris la mesure immédiatement de l'importance des travaux à des certifications, en sachant que il y a les résultats des travaux de certification sont acceptés normalement par les autres agences, que ce soit l'agence européenne, que ce soit l'agence brésilienne ou l'agence canadienne. Là, il est clair que concernant cet appareil, les agences vont vouloir faire leur propre simulation et leurs propres essais en vol, ce qui fait que ça va compliquer les choses. Mais ça n'est pas la première fois qu'un avion, là en l'occurrence il s'agit du Boeing 737 MAX 8, est affecté par un même accident qui cause deux catastrophes avec un accident lié aux mêmes causes. Je vous cite un exemple sous votre contrôle, Bertrand Villemer. La TR-72, c'est un avion qui, à l'origine en tout cas, souffrait de problèmes de dégivrage. Cela a provoqué un crash le 31 octobre 1994 et il y a eu une réplique. Mais là aussi, je vous pose la question, le 21 décembre 2002, un autre appareil qui là aussi s'est crashé parce que l'avion ne réussissait pas à dégivrer et manifestement le dysfonctionnement du système de dégivrage est une catastrophe dans un avion. Ça n'a pas conduit ATR à cesser la production de la TR-72. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Boeing pour qu'on aboutisse finalement à une situation où le sort même de l'avion... L'erreur de conception. Très certainement l'erreur de conception. L'erreur de certification, bah, elle est consubstantielle, sinon elle ne serait pas sortie. Et l'erreur de procédure, elle est dramatique. Mais la base, c'est l'erreur de conception. C'est-à-dire que Boeing a été capable de construire un système, un appareil, qui, sur des fonctions absolument crucial de sécurité des vols, n'avait pas de redondance. C'est ça, en fait, pour parler très simplement. Et ça, c'est tout à fait différent du problème de la TR. Dans l'accident du 31 octobre 1994, certes, le dégivrage était en cause, mais la procédure qui avait été mise en place par l'équipage l'était aussi. Donc, il y a eu des modifications qui ont été faites depuis, mais le constructeur ne prend pas... Il peut y avoir des pannes normales qui sont validées, il y a des modifications qui sont faites, on n'arrête pas un appareil de vol comme ça. Il faut avoir des certitudes pour le faire, il faut que la commission d'enquête aille au bout de son travail pour vérifier est-ce que c'est pas un problème ponctuel, est-ce que c'est pas un problème de maintenance, est-ce que les systèmes de dégivrage avaient été maintenus correctement, est-ce que lui qui était sur cet appareil du 31 octobre 1994 a effectivement été sain. Est-ce qu'il a été bien maintenu? Première question. Deuxième question, est-ce que la procédure a été mise en place correctement? Voilà. Troisième question, est-ce qu'il n'y a pas eu une panne subite au moment où ils l'ont mis? Ça peut arriver. Bon. Donc toutes ces questions, il faut bien sûr les résoudre avant de dire, OK, on n'arrête pas la Terre sur le temps de vol, mais on l'interdit de conditions givrantes. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe. Bon, ce qui est un peu compliqué pour un avion de ligne, quand même. Qu'est-ce que c'est une condition givrante? Ça veut dire on l'empêche d'aller là où il fait froid, par exemple? On l'empêche d'aller là où l'avion peut givrer. C'est-à-dire dans les conditions de température, en atmosphère neigeuse, etc. Ça réduit effectivement le champ d'exercice Oui, de l'avion. Bon. Quand il s'agit de modifier un appareil, il y a deux procédures qui s'enchaînent et qui se complètent. La première procédure, c'est le constructeur qui émet ce qu'on appelle un bulletin de service, un SB en anglais, et il dit, voilà, moi je veux faire évoluer mon avion, il y a un domaine où je pense qu'on peut être plus fiable, on peut être meilleur en termes de sécurité des vols, je recommande aux opérateurs de faire telle modification, avec éventuellement une date limite. Alors pourquoi il ne l'impose pas? Il ne l'impose pas parce que s'il l'imposait, il arrêterait toute la flotte. Et il le recommande parce qu'il pense que, en termes de sécurité des vols, et en termes d'évolution du produit qu'il vend, il gagne en qualité. Alors qu'est-ce qui se passe? Les opérateurs, ils attendent que l'appareil arrive dans une visite, une grande visite où il est arrêté, et ils profitent de l'arrêt de cet appareil pour faire cette modification. Ça s'appelle un SB, ça. Et donc ça, c'est le constructeur qui émet cette recommandation. Et puis, il y a l'organisme de navigabilité, ce qu'on appelle le régulateur. L'AFA, le EASA, tout ça, c'est des régulateurs. Et donc, qui dit, nous, on est en charge de la navigabilité de l'appareil, et on donne des directives on donne des directives pour la navigabilité. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, aux opérateurs, on vous donne des directives et avant telle date, il faut faire tels travaux sur l'appareil. Et puis, il y a des directives de navigabilité urgentes, ce qu'on appelle des EAD, qui sont émises par l'autorité de régulation, qui dit, maintenant, avant tant de temps, il faut, les avions ne voleront plus si il n'y a pas cette modification. Voilà, il y a les trois niveaux qui se complètent. Là, dans le cas du soit de la TR-72, ça aurait été possible, mais dans le cas du Boeing 737 MAX, c'est impossible. Parce qu'en fait, ils l'ont fait. Ils ont émis un EAD en disant, on vous donne 30 jours pour nous dire comment modifie l'appareil et comment modifie les procédures. Il y avait au moins ces deux choses-là. 30 jours, c'est absolument impossible sur un problème comme ça. Sur un problème de dégivrage, c'est possible, mais pas sur un problème de logiciel. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 mois, les pilotes d'essai de Boeing ont testé les modifications qui ont été apportées par Boeing sur les commandes de vol, sur simulateur, et ils n'ont pas réussi à contrôler le simulateur, ils ont crashé le simulateur. Donc, il y a quand même un peu de travail encore. Ça fait quand même un peu peur, ça. Ça fait quand même un peu peur, parce que ça veut dire que, finalement, un constructeur, pas n'importe quel constructeur, puisque c'est quasiment un duopole aujourd'hui, le marché de l'aviation, ce constructeur est capable de mettre en service un avion qui n'est pas fiable, un avion qui ne respecte pas l'une des règles les plus évidentes, c'est-à-dire celui de la redondance, Bertrand Villemer. La responsabilité, elle est partagée. Un constructeur peut faire un faux pas. Et c'est justement pour ça qu'il y a une autorité de régulation et qu'il existe des normes de certification qui sont drastiques. Les normes de certification, l'ingénierie de certification, c'est le tas d'or des deux principaux constructeurs que sont Airbus et Boeing. C'est là qu'ils excellent. Certes, ils construisent des avions avec une belle équation financière, mais là où ils sont exceptionnellement compétents, c'est dans les capacités de certifier l'appareil et de répondre à des normes qui sont extrêmement strictes. Et donc, la responsabilité, elle est partagée. Il y a Boeing et il y a surtout, j'allais dire, la FAA quand même. La FAA n'aurait jamais dû laisser passer ça, jamais. Et je dirais même que l'organisme européen n'aurait jamais dû le laisser passer non plus, parce qu'il peut aussi en prendre une part de responsabilité. Oui, parce que c'était... Parce que il a eu les dossiers comme tout le monde pour certifier l'appareil. Et dans ces dossiers, il était clair que il y avait qu'un seul capteur de sonde d'incidence sur une surcouche de logiciel qui était censé corriger des abattés, c'est-à-dire des départs à piqué de l'appareil à basse vitesse. C'est quand même pas rien, quoi. Donc cela révèle un scandale absolu, puisque cela veut dire qu'on a laissé, au travers donc d'un mécanisme complexe que vous nous avez décrit, un avion dangereux voler. Est-ce que vous pensez que cette dangerosité, elle peut exister aussi pour d'autres appareils, sans que le grand public, sans même peut-être d'ailleurs que les constructeurs n'en aient conscience ? Je pense que le système est fait pour que ça n'arrive pas. Donc si le système et si les procédures sont respectées, ça ne doit pas arriver. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de panne, ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de crash, mais ça veut dire qu'un problème de conception qui conduit aussi important que ça, qui conduit à des crashs en série, parce que s'ils avaient laissé l'appareil, il y en aurait eu 20 de crash, voler l'appareil. Il n'y en aurait pas eu deux, il y en aurait eu 20. Ils auraient dû arrêter la flotte après le premier, mais bon. Et donc, si les procédures sont respectées, il y a très peu de chances que les appareils soient dangereux. Là, le problème, c'est que les procédures n'ont pas été respectées. C'est-à-dire que l'arbitre, qui est l'agence fédérale d'aviation américaine, l'arbitre n'a pas joué son rôle. L'arbitre était complètement du côté du parti, quoi. Quelles conséquences économiques pour Boeing ? Alors, Boeing est une belle entreprise qui fait 60% de son chiffre d'affaires dans la fabrication d'avions de ligne. Et Boeing est présent dans l'aéronautique militaire, ils font des hélicoptères, ils font des avions de chasse, ils font des systèmes, en électronique de défense, c'est une entreprise qui a beaucoup d'activités en dehors de l'aviation civile. Donc 60% c'est l'aviation civile, et à l'intérieur de ce 60% c'est le Boeing 737 MAX. C'est le Boeing 737 pour les cours. Donc sur le chiffre d'affaires total de Boeing, il y a un peu plus de 35% qui est sur le 737 MAX. C'est important. C'est important, c'est grave, mais enfin, c'est pas 90% non plus. Donc voilà la première conséquence économique, c'est que ça affecte quand même 35% du chiffre d'affaires. La deuxième conséquence, c'est que, en fait, elle est double. Là, il y a 400 appareils sur le parking. S'ils ont décidé d'arrêter la chaîne de production, une décision qui est lourde de conséquences, c'est pour éviter qu'il y en ait 500. Parce qu'ils savent plus où les mettre, pratiquement parlant. Et puis, un appareil qui est immobilisé sur un parking, ça coûte. Et puis après, comme l'a dit monsieur Kaloun, nous, président de Boeing, on va commencer par modifier les appareils quand ils seront certifiés et qu'ils seront sur le parking avant d'en construire d'autres. Et la deuxième conséquence économique, c'est la notoriété. Alors, vous savez, c'est sorti dans la presse chez vos confrères hier ou avant-hier. Il y a eu un agrément qui a été trouvé entre Southwest et American Airlines concernant les dédommagements de Boeing vis-à-vis de ces compagnies, dont l'une, je crois que Southwest avait 2737 MAX en opération et en attendait 30. Ce qui fait qu'il y a des dizaines de milliers de vols qui ont été annulés. Donc il y a un manque à gagner absolument énorme. Et ça a été chiffré, ça a été évalué et les dédommagements ont été faits. Il y a eu des provisions qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, quel est l'impact économique ? Difficile à dire, mais on peut dire que c'est entre 10 et 20 milliards pour l'instant. Pour l'instant. Maintenant, après, il y a la notoriété. Et la notoriété, c'est est-ce que les gens vont avoir confiance ? Le temps passe, le travail va être fait, je pense, et bien fait. Mais tout de même, il va falloir regagner la confiance des acteurs, c'est-à-dire des compagnies aériennes, des syndicats de pilotes, et puis un peu des passagers quand même. Parce que il y a des appareils, ne serait-ce que il n'y a pas très longtemps, avant-hier, c'est un 737 qui s'est écrasé. Alors on ne connaît pas la cause, mais enfin bon, on le constate. Donc il peut y avoir une très mauvaise image de l'appareil au sens large, le 737, qui fait que les passagers, et puis in fine les compagnies, parce que les compagnies, il faut qu'elles vivent avec des passagers, décident de ne moins le mettre en ligne de vol, ou alors d'acheter des appareils différents, ou de mettre en œuvre des appareils d'un segment différent. Mais alors, on ne sait pas encore ce qui s'est passé pour le crash du Boeing ukrainien. Est-ce qu'on peut envisager, Bertrand Widmer, que tous les 737, et il y en a énormément en vol, soient des avions peu sûrs ? Au niveau des faits, la version précédente du 737, c'était le 737NG, a eu un problème de bec de bord d'attaque. Les becs de bord d'attaque, c'est des surfaces qui sortent en avant des ailes. Et il se trouve que ces becs sortaient de façon dissymétrique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sortait et pas l'autre. Bon, c'est pas une situation qui est très saine, même si normalement ça peut être contré. Et là, les appareils des 737NG ont été arrêtés de vol. Enfin, ont été suspendus de vol le temps de faire CSB ou cette directive de navigabilité. Ça, c'est le premier point. Donc, les autres 737 et pas Max ont été un peu affectés, pas du tout par le même type de panne, mais quand même. Il y a eu le 777X qui, lors des essais de pressurisation, dépressurisation, a vu son fuselage se fissurer, voire se déchirer. Je vous laisse voir le film, c'est saisissant. Il y a eu des copeaux qui ont été retrouvés, dans des copeaux métalliques qui ont été retrouvés dans certains réservoirs, notamment du 777. Bref, Boeing n'est pas la fête. Parce qu'évidemment, tout le monde regarde de très près la façon dont les avions sont fabriqués. Et ça fait le buzz, permettez-moi l'expression. Et la notoriété de Boeing va en être affectée, je pense, pendant un moment. Merci beaucoup, Bertrand Widmer, de nous avoir éclairé sur les déboires de Boeing. Je rappelle que vous représentez le cabinet Icar Aéronautique. Vos critiques, vos remarques, vos suggestions, vos idées de Superfell sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com, guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Pascal Baudin à la technique et complètement ruiné par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.